Salut tout le monde. Bon, déjà, si vous avez déjà écouté le premier épisode, sachez que c'est le nouveau premier épisode. C'est assez fidèle à ma manière de faire les choses, mais c'est aussi dans l'esprit de ce qui va se passer avec ce podcast, parce que ça va forcément être un petit peu le bazar. Mais bon, il fallait quand même. J'avais un besoin, mais c'est pas parce qu'on a besoin de quelque chose qu'il faut que c'est nécessaire de le faire. Donc, quand même, j'ai pris le temps de cogiter un petit peu. J'ai même regretté un peu le nom du podcast, donc pour l'instant, j'ai appelé ça finalement 40-2. Mais bon, ça peut s'appeler 3615 My Life en clin d'œil. Alors, il n'y aura pas de site internet, de Twitter, de Instagram lié à ce podcast. Hein. Mais bon, si jamais vous voulez me contacter, je vous assure que si vous me cherchez sur Twitter, non pas avec le nom de ce podcast, mais en demandant à des gens qui font du podcast, ils vont me retrouver, ne vous inquiétez pas. Et puis de toute façon, si vous m'écoutez dès le mois de novembre, je pense que c'est parce que vous avez vu un tweet passer, justement, vous savez très bien qui je suis, mais bon, contrairement à ce qui pourrait se passer, hein, l'histoire ne va pas être de vous raconter seulement ma life, même si on va se marrer de temps en temps, en racontant des histoires. Non, parce que ça n'a aucune prétention, hein. Et puis ça n'a sans doute aucun intérêt d'écouter quelqu'un raconter sa vie, mais des fois c'est vrai qu'il nous arrive des histoires, ça pourrait être dans un film, quoi, ou dans un roman. Mais bon, c'est pas parce que c'est... Ça suffit pas à en faire un roman ou un film, enfin en tout cas de l'art, hein, ou de la philosophie, vous voyez, ni même de la grande psychologie. Puis après, il y a des gens qui racontent bien les histoires et puis d'autres qui racontent pas bien les histoires. Et moi, je peux vous garantir que je fais partie de la catégorie de ceux qui ne savent absolument pas raconter des histoires, mais genre niveau catastrophique, je pense. Ou alors je fais rire quand je commence à raconter une histoire. Bon, ça vient de ma mère d'ailleurs, tiens, 3615 My Life. Ma mère ne sait pas raconter des histoires. Ma mère, quand elle commence à te parler de quelque chose, elle te parle de tout le contexte, de tout ce qu'elle avait fait avant, et ça, je fais exactement pareil. J'ouvre une parenthèse, je commence à parler de quelque chose, puis tout d'un coup, je me dis, oui, mais c'est pas ça l'essentiel. Faut créer un univers, donc faut raconter le contexte. Et puis, ça peut me faire penser à d'autres trucs. Donc, tu vois, et en général, quand ma mère raconte des trucs à table, si on est en famille, comme on dit, tout le monde lui dit au bout de 30 secondes, « Maman, qu'est-ce que tu veux raconter, quoi ?» Donc, ce podcast pourrait s'appeler « Maman, qu'est-ce que tu veux raconter ?» Ça pourrait s'appeler aussi « La vie commence à 40 ans », parce que ça s'appelle 40-2, parce que je me suis fait la réflexion suivante. Bon, ça fait super prétentieux, péteux ou pédant de dire ça, hein, mais c'est parce que c'est pas vraiment une grande réflexion. Et puis c'est en écho aussi à un film. Il y a un film russe qui est magnifique qui s'appelle « La vie commence à 40 ans » et je crois que c'est un proverbe russe, si j'ai bien compris. Enfin, en tout cas, c'est un très beau film d'heure. Faudrait que je sois sûr du... Je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. Je suis pas sûr qu'il soit sorti en français. J'ai des doutes. Je l'avais vu en russe, sous-titré anglais, sur un YouTube façon russe, quoi, tu vois. Bon, les Russes ont fait des trucs magnifiques au cinéma, vous êtes au courant. En tout cas, la réflexion, c'est pas la vie commence à 40 ans, parce que j'ai pas encore 40 ans, mais c'est qu'à l'approche de la quarantaine, je formulerais ça comme ça, hein, je suis coincé entre une illusion d'absolu perdu, une désillusion, quoi, hein, les illusions perdues, hein, référence, et bah, la triste réalité. Et le projet, hein, c'est pas de se tirer une balle dans la tête ou de devenir dépressif ou de prendre trop de drogue. Ça se trouve, ça sera ça, hein, la solution. Mais le projet, ce serait qu'avant 40 ans, pile à mon anniversaire, je sais pas, pile aux 40 ans, je découvre quelle est la solution pour non pas aller mieux au sens où ça va bien, les gars, hein, pas de problème, mais au sens reprendre le pas sur sa vie, être un peu moins paumé, savoir avoir un objectif. Alors on pourrait raconter ça de 1000 façons différentes, il y a 100 façons, ou 1000 façons, ou plus peut-être, d'aborder ce type de sujet à travers notamment des anecdotes. Alors excusez-moi. Déjà ça pourrait commencer par arrêter de fumer avant ses 40 ans. Mais bon ça va, je vous inquiétez pas pour ma santé, a priori pour l'instant ça va. Donc parfois on se baladera. Là, je me suis baladé, j'ai enregistré, puis j'étais pas très content, donc tant pis. Sinon, ça aurait pu être sympa, il y avait les bruits des touristes, des cafés à Paris. Bon, c'est la vie. Ce sera pour la prochaine fois. C'est parce qu'il manque les cafés à Paris et les touristes. Et donc, on va commencer avec une anecdote comment on peut dire, un gars et une fille, quoi. Au sens, je veux dire, c'est pas vraiment une rencontre amoureuse, c'est un awak. Un awak, en tant que tel, je raconterais ça à un pote, on se marrerait, puis on dirait « Oh la vache !» ou un truc comme ça, ou quelqu'un me dirait « Oh mon pauvre, ça va, mon Dieu. » C'est pas vraiment le but du podcast, c'est pour ça que ça reste un peu vaguement anonyme aussi. Hein. Donc pour poser le décor, hein, pour faire un peu comme ma mère, je suis fasciné depuis longtemps par la Chine. Je suis des cours de chinois, mais je parle pas chinois encore, hein, quand même. Faut attendre un petit peu avant que ce soit vraiment courant. Je suis déjà allé en Chine, dans d'autres pays d'Asie où on parle chinois. Et pendant très longtemps, parce que je vous raconte un truc comme ça, c'est parce que ça pèse un petit peu sur l'histoire. Je m'intéressais pas du tout aux chinoises. Hein, je suis pas dans un délire, c'est pas un fantasme de sortir avec des asiatiques. Hein. Mais tout de même. Demeurait pendant très longtemps et maintenant s'est exprimé cette espèce de comme si je me sentais bien même esthétiquement je crois je sais pas, j'ai une préférence quoi, et comme si c'était vers ça que je tendais quoi, bizarre. Et en fait le jour où je suis tombé amoureux d'une chinoise et je suis sorti avec cette chinoise, cette fille à qui je présente tous mes respects, bien sûr, même si elle les entendra jamais. À partir de là, je pouvais presque plus, oui, et d'ailleurs, je ne suis plus ressorti avec des, on va dire, des non-chinoises. Bizarre, hein. C'est bizarre, mais c'est comme ça, c'est pas un fantasme, hein, c'est juste que je peux avoir mon attrait pour la Chine, en même temps, ça me fait apprendre le chinois, puis en même temps. En général, je trouve joli, puis je trouve ça intéressant, puis c'est une mentalité différente, donc j'aime bien, moi, l'étranger, quoi, le fait de pas comprendre, pas seulement la langue, mais les mécanismes, toute l'histoire, je trouve ça riche, quoi, en fait, comme rencontre à chaque fois. Je crois que ça me fascine et que ça mon petit cœur s'emballe un peu, pas facilement, mais il peut, en tout cas, plus facilement, dans un contexte comme ça. Donc là, je vous passerai les rencontres de taïwanaises et de chinoises via Tinder, mais il n'y a pas longtemps, via Instagram, hein, une fille qui a un nom chinois me contacte en commentant, en envoyant carrément un message via une stories, là, vous voyez, une story, une histoire, les petits moments qu'on partage, n'est-ce pas, mais qui ne sont pas dans le flux d'actualité, mais qui sont dans un... justement comme une sorte de news éphémère. Bon, et je suivais cette personne et elle me suivait et je ne sais pas du tout pourquoi, d'où cette fille venait, je ne sais pas, ça fait partie du mystère. Mais ça commence pas par de la drague, hein. Ça commence par, en gros, c'est aller de la conversation normale, d'intérêt à, surtout de sa part, parce qu'au début, moi, je suis plutôt quelqu'un de prudent et qui peut être assez froid dans ce genre de contact, hein, bizarrement, autant je comprends parfaitement le mécanisme Tinder, ou de rencontre comme ça dans un bar, autant je suis toujours méfiant quand on me parle, quoi, en gros, quand quelqu'un me parle, que je connais pas, je peux pas lui faire confiance comme ça, donc je vais pas déballer ma vie, et ça. Et en fait, petit à petit, ça allait de la conversation, un truc un petit peu plus... pas intime, hein, non plus, faut pas non plus pousser, mais... ça commençait à ressembler à du mini flirt, j'ose pas dire, mais c'est pas de la drague, mais un intérêt de sa part disproportionné par rapport à l'ignorance de ma personne, quoi. Elle m'avait jamais rencontré, elle avait vu que des photos sur Instagram, pardon, c'est pas Tinder, je vous promets, Elle avait vu des photos sur Instagram, des selfies sur Instagram de moi. Il y en a quasiment pas. Je crois qu'il y a 3 photos de moi sur Instagram et on me voit à peine. Enfin bref, voilà. Et puis, jamais dans les stories, je me mets en avant pour dire « Regardez, je suis beau, je suis sur la plage. » Parce que je ne pense pas être beau. Et si j'avais la chance d'être beau, j'espère que j'aurais aussi l'intelligence de ne pas croire que c'est exceptionnel d'être beau, quoi. Enfin, voilà. Bon, on va pas parler de Sartre et puis de l'aliénation et tout ça, du sentiment d'être beau et tout le bordel. Quoi qu'il en soit, petit à petit, en fait, on se rend compte qu'on habite pas loin. Et donc c'est pour ça peut-être qu'on se suivait sur Instagram, parce qu'il y a des centres, on avait des points communs. Donc peut-être que géographiquement, une photo ou deux a pu attirer l'attention. Ça se trouve, je l'ai suivi, elle m'a suivi après, ou inversement, tu vois, je sais pas. Mais peut-être depuis des mois, hein, parce que j'avais pas souvenir récemment d'avoir vu cette fille apparaître dans mes contacts Instagram. Et petit à petit, donc ça se réchauffe, on va dire. Mais c'est vrai qu'on se découvre plein de points communs. Très agréable au niveau de la conversation, bon, uniquement anglais, chinois, hein. Pas trop de français, puisque madame ne parle pas français, mais je comprends qu'elle est en France depuis très peu de temps, et c'était pour suivre son ex, et puis elle voulait aller en Angleterre avant, enfin bref, petit topo comme ça, bref, et peut-être qu'elle repartira bientôt en Chine, et tout le bordel, tu vois, un truc comme ça, bon. Et qu'elle avait envie de faire des progrès en français, normalement, pour pouvoir trouver du boulot aussi, pour pouvoir... essayer de se débrouiller avec le français. Donc dans ces cas-là, ça m'arrivait souvent d'ailleurs de faire des échanges comme ça, même des fois de quelques mois, hein, mais linguistiques, que moi je puisse progresser en chinois et que la personne puisse progresser en français. Moi j'ai ce vœu là, ce souhait en tout cas, de progresser en chinois avec des chinois à Paris, que ce soit des filles ou des mecs, c'est pas important, là c'est pour discuter. Et j'ai un très bon pote, je sais pas s'il écoutera ce bazar, mais très bon pote chinois qui m'aide, tout ça, qui écrit divinement bien français, il écrit mieux français que moi. Et comme beaucoup de chinois que j'ai rencontrés, enfin, je sais qu'il y a quelques années, j'avais une ex chinoise qui vivait en Chine, et tous ses potes qui avaient appris le français, dont elle, donc tout ce petit monde de chinois qui n'était jamais venu en France, écrivait mieux français que des français. Hein. Ils n'avaient pas fait 15 ans de français, ils avaient fait 3-4 ans, et à l'oral, bon, il y avait des fautes, mais à l'écrit, c'était parfait, quoi. Enfin, vraiment, la grammaire, comme nous, on ne l'applique pas assez, vous voyez, à concordance des temps et tout ça, tu vois. Bon. Donc, voilà, plein de points communs, mais des trucs pas si superficiels que ça, hein. Même dans l'intérêt pour l'art, je regrette quand quelqu'un parle... de tableaux, tout ça, bon, je suis curieux parce qu'il n'y a pas tant de gens qui en parlent. Bon, après, il y a des gens qu'on parle, mais ils n'ont pas la culture de tout ça, hein, d'histoire de l'art. Moi, j'ai une culture limitée, bon, voilà. Bon, je pose un petit peu le décor, mais petit à petit, j'utiliserai pas de mots, et puis l'idée n'est absolument pas de se venger d'elle, etc., parce que je suis sûr que c'est quelqu'un de très très bien, c'est juste que... la rencontre était bizarre et mal foutue, et que moi je suis, j'avoue, un gros taré de temps en temps, hein, très très maladroit et assez excessif, donc ça pourrait être, c'est ça, hein, quand je vous ai dit à l'approche de la quarantaine, coincé entre une espèce d'absolu perdu et la tristesse du réel, et que il faut essayer de retrouver une curiosité pour les choses, être actif de nouveau, en sens créer de la valeur. Bon, il y a tout un truc comme ça qui sous-tendra tout ce bazar de 40-2. Bon, en tout cas, petit à petit, les messages, elle envoie carrément... Non, alors, ne vous imaginez pas des trucs érotiques et tout ça. C'est quelqu'un qui est pas du tout là-dedans. Heureusement. Ça m'aurait fait très peur, je pense aussi. Hein, mais bon, mais j'en ai rencontré d'autres comme ça. Mais bon, passons. Là, par exemple, elle m'envoie une photo du salon de thé dans lequel je vais régulièrement travailler chinois, justement. Et là, je trouve ça mignon, mais c'est un petit peu spécial. Avec un commentaire du genre « Viens, tu vois ». Puis moi, je fais « Bah, moi, je suis en chemin, en fait, j'y vais pour réviser. »« Ah, mais non, mais je suis parti il y a 20 minutes, c'était juste histoire de voir, voilà. » Et puis d'un coup, j'ai carrément une photo, une fois, un soir, tout ça s'est passé en peu de temps, en moins de 2 semaines. Et j'ai une photo de la porte de mon immeuble, le soir. Et là, dans ma tête, je me dis, ça, c'est, je trouve ça un peu spécial quand même. Hein. Je trouve ça un peu chelou, mais en même temps, il y a une partie de soi qui peut être emballée, tu vois. Tu te dis, bon, enfin, quelqu'un que. Enfin, tu te dis, de toute façon, bon, je pense qu'il y a des gens qui vont trouver ça super ou creepy, c'est du stalking ou je sais pas quoi. Moi, je le ferais jamais, je pense, pour quelqu'un. Je trouve ça super flippant et je n'oserais pas, tu vois, faire un truc pareil. Mais bon. En plus, voisin, on n'est pas voisin au sens, elle habite pas en face. Hein, je suis dans le, enfin, en gros, on est dans deux arrondissements différents, mais en marchant vite, t'es à 15 minutes, quoi, voilà, tu vois. Donc, ça commence à faire beaucoup, tu vois, mine de rien, comme approche. Tu te dis, c'est quand même un peu engagé, et puis tu te dis, cette personne ne me connaît pas. Elle peut apprécier mes photos, c'est déjà pas mal. Les conversations, voilà, je suis un ouf taré, mais je peux tenir la conversation, quoi, même en anglais chinois, tu vois. Bon. Et quand je dis anglais chinois, c'est plutôt 70% anglais et le reste en chinois. Et bref, en gros, la fin de cette première étape, c'est des messages avec des cœurs, des hugs, voilà, c'est vraiment. Puis genre, ah, t'es, elle me demande des photos de moi, bon, je le fais pas, tu vois, je mets 4 jours avant de lui envoyer un selfie normal, tu vois, genre chez moi, mais genre normal, quoi, tu vois, avec la bibliothèque en arrière-plan, et pas avec des vêtements, hein, je précise. Et bah là tout de suite c'est oh tu es beaucoup plus beau que je le pensais, des trucs comme ça, tu vois. Pour moi ça s'appelle de la, du flirt ou de la drague, je sais pas comment dire ça, mais tu dis pas ça normalement. Moi tu peux dire enfin c'est bizarre quoi, tu dis pas à quelqu'un qui est même je dis pas à une fille qu'elle est jolie si j'ai pas de sacrées intentions derrière, parce que sinon bon, si pour la rassurer si elle se trouve moche et qu'en fait elle est pas moche. J'aime pas mentir non plus. Mais ça m'est déjà arrivé de mentir, hein, vous inquiétez pas. Et donc, petit à petit, bah, je lui dis, bah, faudrait peut-être qu'on se voit, parce que là, c'en est arrivé en fait à un point où j'avais vraiment beaucoup de messages dans la journée, et genre avant qu'elle aille dormir, j'avais, je sais pas, 10 petits cœurs, des, voilà, genre d'émoticons, emojis, ce que vous voulez. Bon, c'est une application, on n'était plus sur... Instagram, il y a une application, bon, si vous connaissez Weixin ou WeChat internationalement, c'est une sorte de WhatsApp plus, méga plus. Mais enfin, en tout cas, c'est aussi une messagerie. Et donc, je dis, bah, faudrait peut-être qu'on se voit, parce que bon, dire faire connaissance, quoi, tu vois, parce qu'on n'est pas très loin, et puis on maintient pas une relation en faisant que, quelle que soit la nature de cette relation, ça peut pas être que du chat, quoi. Surtout si on est voisins, tu vois, quel est l'obstacle, quoi, tu vois. Et puis, bon, déjà, ça m'a pas trop plu, il y avait une espèce de, ah, oh, peut-être qu'il faut pas se voir, c'est bien une relation comme ça. Bon, quand on me dit ça, mon cerveau, il fait, mon cœur et mon cerveau font... nourri à 360 degrés, j'aime pas ce genre de truc, tu vois. Mais j'insiste pas tout de suite, en tout cas. Mais la discussion revient forcément 2-3 jours plus tard, tu vois. Et finalement, on se voit. Sur le pont Mirabeau, parce que j'ai choisi le pont. En plus, c'est passage entre nos deux arrondissements. Pont Mirabeau, référence à Guillaume Apollinaire, pour ceux qui savent. Bon, c'est symbolique. Bon, elle arrive avec une heure de retard, quasiment. Mais bon, comme c'est la première rencontre, j'en veux pas. Et là, on a marché pendant une heure, et je peux pas dire qu'on a discuté, hein. C'était super spécial. En fait, elle a pas vraiment envie de me parler, elle a pas envie de me regarder, c'était bizarre, mais bon, voilà, c'est strange. Bon. Et moi, en plus, dès le départ, ça m'a mis mal à l'aise, donc j'avais même pas envie de faire... le beau gosse ou le mec qui parle, pas sûr de lui, etc. Donc, je sais pas, c'était pas du tout chaud, quoi. C'était glacial, en fait, un petit peu. Et donc, je vous raccourcis la fin de cette histoire, mais en gros, dans les jours qu'on suivit, on est passé des petits cœurs à... tous les deux, on s'est bloqués, enfin... Moi, je l'ai envoyé un peu bouler. Elle m'a envoyé un peu bouler. Elle m'a dit, sorti deux, trois trucs vraiment méchants. Alors, pas sur le. Elle m'a pas attaqué sur le physique directement, mais plutôt sur ma moralité, etc. Donc, je comprenais même pas parce que je me disais, ben, elle m'a vu qu'une fois, de quoi elle parle, quoi. Et puis, visiblement. Bon, je sais pas, tu vois, t'es pas beaucoup plus jeune que moi non plus, t'es dans la trentaine, je m'attendais à autre chose intellectuellement et affectivement, tu vois, bon. Mais bon, dans la vie, j'ai fait preuve de, des fois moi-même de n'importe nawak, et puis j'étais aussi capable des fois de me dire, il faut comprendre la personne en face, elle a peut-être des traumas, des problèmes, voilà, il faut passer outre. Mais bon, là, je suis pas passé outre, et puis elle, ça l'a agacé, ça. Bon. Récemment, j'ai vu qu'elle m'avait débloqué, mais bon, ça change rien, je vais pas la recontacter. C'est pas ça, donc le but là, c'est d'arrêter l'anecdote. C'était plutôt qu'est-ce que ça dit à votre avis Alors, bien sûr, on peut parler des réseaux sociaux, des jeunes de maintenant, tous ces trucs-là, ok, bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand même, effectivement, ça m'avait touché. Alors, mais on va essayer de pas tomber dans le côté besoin, avoir des besoins, genre besoin d'être aimé, etc. Ça, je suis 100% d'accord, mais je m'en fous en fait. Je sais déjà et je crois que je le comprends, tu vois. Je suis capable même de m'auto, me réguler moi-même, tu vois. Si je commence à mais on dit quoi déjà Je sais plus ce qu'on dit, mais enfin, en gros, être un peu trop enchanté, enivré par quelqu'un, alors que j'ai pas de raison valable de le faire. J'ai ma soupape de sécurité, ma valve, ma sonnette d'alarme qui sonne à l'intérieur de moi, et je mets des taquets direct. Et bon, je me pose la question, parce que en plus, cette année, c'était un peu le florilège des nawak, hein, des rencontres très chelou, avec des gens très bizarres. Alors ça vient surtout de, malheureusement, voilà, je vais pas vous mentir, mais des trucs genre Tinder, réseaux sociaux, très bizarres. Et en fait, je veux plus faire ça, je me suis désinscrit de tout, là. On me retrouvera plus sur ces trucs-là, pendant longtemps en tout cas, parce que, en fait, d'ailleurs, en même temps, tu vois, quand il arrive ce genre de truc, de relations, enfin, de relations, de personnes plutôt qui apparaissent dans une vie par des moyens un peu chelous comme ça, enfin un peu genre Instagram et tout ça, puis ça te parle tout de suite de câlins d'amour et tout le bordel, et en fait ça retombe, même quand ça s'était pas envenimé, en fait dès que tu sors et que tu rencontres des gens, que tu vas dans les soirées, comme ça m'est arrivé, heureusement ça m'arrive encore un petit peu, je approche de la quarantaine, mais bon, j'ai encore le besoin de sortir, de rencontrer des gens nouveaux, et pas que des Chinois, hein, mais notamment des Chinois. Bah là récemment par exemple, tu vois, je suis allé au festival de cinéma d'auteurs chinois qui est organisé à la, comment on dit déjà, je vais vous retrouver ça, attendez, je vais vous le retrouver, je suis obligé d'aller sur mon Facebook en direct, désolé. Événement, ça s'appelait Il Elle. Alors c'est fini malheureusement, comment je peux retrouver les événements passés, comment je peux faire? J'aimerais bien retrouver. Alors attendez. Passé. Il, elle rencontre. Ah oui, c'était à la Filmothèque du Quartier Latin. En fait, c'est à côté du Champeau. Il y a le Champeau Lyon là. Et puis Racine. Bon, bref. Enfin, je m'embrouille peut-être, mais en tout cas, bon, c'est à côté de la Sorbonne. Et c'était très bien d'ailleurs, très chouette. Et ben là, tu vois, tu rencontres. Et tu parles à des gens qui sont pas dans ce délire. Enfin, en fait. Les applications, les réseaux sociaux, pour moi, je suis inadapté à plein de trucs, hein, dans la vie, je vous le dis tout de suite, mais la rencontre via des canaux comme ça, soit de rencontre, même, tu vois, parce que Tinder, c'est de la rencontre, alors ça pourrait, ça devrait, pour moi, hein, être que du plan cul, parce que rencontrer quelqu'un là-dessus, mais je sais pas, c'est incompatible avec ma façon de voir ce que c'est qu'une rencontre, en fait. Moi, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un, d'avoir croisé une fois, et puis... de la retrouver plus tard, ce genre de trucs, que ça prenne le temps, éventuellement, parce que les trucs, même Instagram, là c'est venu d'Instagram, c'est pas un truc de rencontre, mais quand on commence à s'échanger plein de messages, en si peu de temps, alors que tu connais même pas la personne, en fait, c'est une logique de consommation. Ça me met dans une logique de consommation moi-même. Je me dis, bah alors vas-y, en gros, vas-y, on va boire un verre, vas-y, on sort, vas-y, t'as qu'à dormir chez moi. Enfin, tu vas pas entretenir une relation classique, enfin, tu vas pas entretenir ce moment de la rencontre sur un support de messagerie, quoi. C'est pas que c'était mieux avant, hein, quand on s'envoyait des lettres, que ça mettait du temps à venir arriver, hein, mais si on veut faire ça numériquement, faut le faire numériquement à fond. Alors si c'est de la société de conso, bah vas-y, tu coches des cases, chope un mec, une nana, et puis voilà, mais on va pas dire non mais je suis sur Tinder, mais attendez, faut prendre le temps, ou je sais pas quoi, c'est bizarre. Et là, je parle de Tinder, mais en fait, même sur Instagram, si tu contactes quelqu'un et qu'après tu lui écris tous les jours, à quoi tu veux, qu'est-ce qui peut naître de ça, en fait? C'est pas une rencontre normale. Ou alors, tu vas jusqu'au bout, quoi. Je sais pas, tu vas pas écrire tous les jours à quelqu'un pendant un mois alors que tu le vois pas. C'est bizarre, non? Je sais pas. Enfin, en tout cas, si tu le connais pas, justement, rencontrer quelqu'un, c'est le voir, le revoir une semaine plus tard, 2 semaines plus tard. Moi, je sais pas comment ça. Si vous êtes plus chanceux ou moins con que moi, hein, dans la vie, dans votre vie, mais moi, mes relations passées, à part une qui est venue sur des voies similaires, et voilà. Bon, tout se passe mal à partir du moment où ça se finit, hein, mais je veux dire, c'était pas une catastrophe, quoi. Mais à part ça, les relations qui ont compté pour moi, hein, qui étaient des vraies relations, c'est des trucs qui sont nés dans la vie, quoi, tous les jours, le travail, notamment le travail, ou la fac, des trucs comme ça, et c'était pas forcément, on s'est pas rencontré, on s'est pas serré la main avec derrière une étiquette, un label, je rencontre quelqu'un, Tinder, ou je sais pas quoi, tu vois, non, on a rencontré quelqu'un, au début, moi, les nanas dont j'ai été le plus amoureux dans la vie, c'était la première semaine, les premiers mois, voire des fois une année, mais j'en avais rien à cirer. Ça, c'est assez, ça me fascine. Alors, quand tu veux rencontrer quelqu'un, alors oui, bon, maintenant, à l'approche de la quarantaine, peut-être que je serais capable de faire ça, d'aller plus vite, mais il me faudrait quelqu'un en face qui soit capable d'aller aussi vite, puis après d'accepter éventuellement qu'on soit trompé. Et sur ce que c'est que les sentiments, ou l'amour, n'est-ce pas, les amours, il y aurait à cogiter, alors on va le faire une autre fois, je pense, mais là où ça me titille, la matière grise, c'est que, et depuis longtemps, quand on dit l'amour, comme si c'était un sentiment, un truc bien unifié, bien pensé, en fait, franchement, vous avez l'impression, vous, qu'il y a l'amour, comme ça, qu'un grand A absolu, ou que c'est un sentiment, que ça suffit comme définition. Pas du tout, moi, je trouve qu'il y a des amours, c'est tout, à chaque fois, une multitude c'est selon les rapports qu'on entretient avec la personne. Là, je ne vais pas vous mentir, par exemple, par rapport à l'anecdote que je vous ai racontée, pendant, je sais pas, pendant une semaine, j'avais non pas des sentiments, parce que pour moi, l'amour, c'est pas un sentiment, c'est plutôt des affects, des trucs assez physiques, finalement. Sentiment, vous voyez, le sentiment amoureux, c'est un truc très noble, comme ça, c'est joliment dit, mais j'y crois. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un sentiment, déjà? Je sais pas. Peut-être que j'ai pas de sentiment, en fait. Pourtant, je me fais traiter de sentimental assez rapidement. Là, ça ne l'a pas échappé à la mademoiselle, à la demoiselle, de dire que j'étais quelqu'un d'émotif et de sentimental. Alors que, bon, je voyais pas trop ce que je disais de sentimental et d'émotif. Hein. Mais bon, peut-être qu'il y avait un effet miroir, un truc comme ça. Parce que c'est vrai que sur certains aspects, j'avais vraiment l'impression, sinon je me serais pas un peu emballé comme ça. J'avais l'impression, pour une fois, d'avoir quelqu'un un peu en écho face à moi. Mais après, très vite, j'ai compris que non. Hein, bah, notamment les selfies, les AAA, tout est optimiste, faut toujours être optimiste, faut toujours rigoler, faut pas trop penser, faut pas trop réfléchir. Alors moi, tu me dis ça, je suis d'accord que si réfléchir égale se prendre la tête, c'est pas bien, mais. Non, puis elle a dit du mal de Van Gogh, c'était pas possible. Ouais, tu peux me traiter de tout ce que tu veux. Si tu dis que Van Gogh est moins bon que Gauguin, par exemple, jamais de la life, je peux pas faire passer ça intellectuellement, c'est pas possible. Bon, enfin voilà. Bon, dans ce truc-là qui s'appelle 3615 My Life, 40-2, on s'en fout. Bon, bref, ça va parler pas que de ça, hein, vous inquiétez pas. Puis là, c'était une anecdote parmi d'autres. Il y aura forcément un peu d'expérience perso. Parce que c'est vrai que ça, c'est bizarre ça. Hein. On a des expériences perso des fois. Ça dépend comment on en parle. Si on fait que la décrire, ça fait juste une histoire quoi, à raconter. Mais je sais pas. Avec une certaine intensité, certains points, peut-être que je me dis qu'on peut en faire quelque chose. Voilà, donc je sais pas quand est-ce qu'on se reverra, mais bon, a priori dans, je sais pas, dans une semaine ou deux, il y aura pas, c'est pas, voilà, c'est pas un périodique, hein, ce sera un peu le bordel. À bientôt, hein, et puis merci d'avoir écouté ça. Et si vous voulez donner votre avis, bah, vous partagez l'épisode sur Twitter et puis vous faites un hashtag genre 40-2, puis je vous retrouverai comme ça. Allez, ciao.